Le comité central du Parti du Travail de Corée a envoyé le message de remerciement aux troupes de l'armée populaire de Corée au cadre du cabinet ministériel, des comités, ministères et établissements centraux, des organismes du pouvoir, des organisations des travailleurs, des universités de la ville de Pyongyang, des comités populaires des provinces, aux militaires, aux constructeurs et aux volontaires qui ont contribué à la construction du musée de la nature et au réménagement du zoo central. Le service de remise des remerciements du comité central du Parti du Travail de Corée a eu lieu à chaque unité. Y ont pris part les cadres responsables du parti, de l'armée, les cadres de chaque unité d'activité, les militaires, les constructeurs, les créateurs, les scientifiques, les techniciens, le personnel et les volontaires. Voici le résumé du message de remerciement du comité central du Parti du Travail de Corée. Les militaires et les constructeurs infiniment fidèles à la direction du parti ont livré par la coopération militaro-civile la lutte pour appliquer les idées du parti et défendre la politique du parti et ont créé les mérites étonnants dans un court délai grâce à l'esprit d'offensif et à la persévérance indomptable dans la construction du musée de la nature et la reconstruction du zoo central. Le comité central du parti a exprimé la certitude qu'en créant la vitesse Malima, ils contribueront activement à l'édification d'un État socialiste puissant. Il y a eu les interventions.